Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Hearst contre Pulitzer, la guerre des journaux et l'invention de la presse moderne. Les deux vont se livrer d'ailleurs une guerre commerciale en créant la presse à sensation, le journalisme jaune, ce qui est assez ironique parce que, comme vous le disiez, Pulitzer était un idéaliste, il avait une soif de qualité, il a initié d'ailleurs, c'est lui qui a initié les écoles de journalisme dans les universités américaines, et il disait aussi que le pouvoir de la presse est important, il disait une presse démagogique, mercenaire, cynique, ça risque de produire à terme un peuple à son image. Alors, le pouvoir des médias était très important pour lui. Le journaliste Jean-Philippe Cipriani met le doigt sur l'une des grandes contradictions autour du personnage de Joseph Pulitzer. Dans cet extrait de l'émission « Plus on est de fous, plus on lit », diffusé en avril 2016, Joseph Pulitzer, aujourd'hui devenu le symbole du journalisme de qualité avec le célèbre prix Pulitzer, a participé, à la fin du 19e siècle, à l'une des guerres les plus violentes à jamais avoir existé entre deux journaux, une guerre qui a en quelque sorte donné naissance au journalisme de sensation, qu'on appelle aussi parfois le journalisme jaune. Pulitzer imagine un journal avec de grosses manchettes pour attirer l'attention sur ses histoires relatant les luttes et les victoires quotidiennes de la population immigrante. Il voulait pénétrer le marché avec un tout nouveau style d'information destiné à divertir les gens, pour les familiariser avec l'idée d'expérience américaine, ce que cela signifiait d'être américain. Et il savait de quoi il parlait. En 6 mois, le New York World triple son tirage. Et 1 an et demi plus tard, les ventes atteignent les 100 000 exemplaires. Tout cela grâce à l'approche audacieuse de Pulitzer. L'expression « sortir des sentiers battus » est indissociable du génie créateur. Il faut oser s'aventurer en terrain inconnu pour trouver cette lueur d'inspiration qui vous propulsera dans l'avenir. Joseph Pulitzer est en passe de posséder le plus grand journal du pays. Le pouvoir et l'influence qu'il exerce ne passent pas inaperçus. Extrait du documentaire « Rivalité de génie », un documentaire diffusé sur la chaîne Explora en septembre 2020. Le pouvoir et l'influence qu'exerce Joseph Pulitzer avec son journal « Le New York World » ne passent tellement pas inaperçus qu'il va bientôt se retrouver au milieu d'une guerre à finir avec le tout nouveau propriétaire du « New York Journal », William Randolph Hearst, pour nous raconter cette histoire-là, l'histoire de cette rivalité entre ces deux hommes, pour nous parler aussi des tenants et aboutissants de cette guerre des journaux new-yorkais de la fin du 19e siècle qui va déboucher en quelque sorte sur la naissance de la presse moderne. Je reçois Harold Bérubé, il est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Alors, ça représente quoi, Harold Bérubé, ce moment précis où s'affrontent Joseph Pulitzer et William Randolph Hearst dans l'histoire du journalisme? C'est un affrontement qui révèle en quelque sorte les tensions inhérentes là, entre la volonté d'informer et de divertir au sein du journalisme et celle aux origines même du premier grand média de masse, donc la presse à grand tirage. Là, lorsqu'on pense au contexte actuel où on assiste au déclin des médias traditionnels, on voit la fermeture de plusieurs grands journaux. C'est un moment qui permet justement de voir que cette opposition entre information et désinformation, elle n'est pas caractéristique du début du 21e siècle, mais elle est présente dès les origines, dès l'émergence de ce nouveau journalisme là, au tournant du 20e siècle. Et puis ça montre au fond que quand une industrie comme celle, ben je dis industrie de fait, vous voyez, quand un secteur comme celui du journalisme connaît un changement important sur le plan de son fonctionnement, ça a un impact sur le contenu des journaux. Revenons un petit peu sur ce que vit la presse à ce moment-là, sur cette révolution que vit la presse à la fin du 19e siècle. Comment la décrire, cette transformation que vivent les journaux américains du temps? Je pense que c'est une bonne idée de parler de révolution parce qu'on assiste vraiment à une transformation là, de fond en comble du fonctionnement des journaux à ce moment-là. Vraiment, dans le dernier tiers du 19e siècle, qu'on va voir émerger ce nouveau modèle d'affaires puis ce nouveau journalisme. Si on se reporte un peu en arrière, qu'on regarde comment les journaux fonctionnent durant les deux premiers tiers du 19e siècle, ce sont des journaux radicalement différents de ceux qui vont suivre. Ce sont des journaux qui ont un très faible tirage, donc on en imprime un nombre assez limité de copies. leur prix relativement élevé. Leurs revenus dépendent essentiellement d'abonnés. Ces abonnés-là sont surtout des gens qui sont élus issus des élites politiques et économiques. Donc, c'est un contenu qui mêle beaucoup, beaucoup de contenus partisans, de l'information internationale, des actualités commerciales. Et ce sont des journaux qui accordent une place très, très limitée donc à la publicité. Donc, ça, c'est le modèle un peu de base. Mm-hmm. Dans le dernier tiers du 19e siècle, on assiste à des transformations qui sont d'abord de nature technologique. On va d'abord développer la capacité de la produire du papier à partir de la pulpe de bois, un papier qui est beaucoup moins dispendieux que celui qu'on faisait avec des chiffons jusque-là. Et on va mettre au point donc, des presses qui sont plus rapides, qui permettent de tirer des milliers, voire des dizaines de milliers d'exemplaires de journaux très, très rapidement. Donc, on devient capable donc, de produire beaucoup plus de journaux à peu de frais, un plus grand nombre de pages également. Et tout ça, ce sont des transformation technologique qu'il faut rentabiliser notamment. Et l'élément déclencheur de tout ce qui va suivre, c'est la publicité. Oui. La publicité, jusque-là, était une présence limitée dans les journaux, même un peu honteuse. Les éditeurs s'excusaient parfois d'avoir trop de contenu publicitaire. À partir de ce moment-là, on va se tourner vers la publicité et lui donner une place de choix, à la fois dans les pages, mais aussi dans les budgets des journaux. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est cette publicité plus agressive, plus développée, qui devient la principale source de revenus des propriétaires de journaux. Et qui éclipse là, complètement les revenus qui étaient tirés des abonnements. Mais ça change tout, Harold Bérubé, parce que dans le contenu que vont publier les journaux, parce que ce que ça veut dire, l'arrivée de la publicité comme véhicule financier, comme outil financier important, c'est que le lecteur, le bon vieux lecteur un peu élitiste là, que vous décriviez, en fait devient un client à qui il faut vendre quelque chose. Oui, absolument. D'une certaine manière, c'est Facebook longtemps, longtemps avant la lettre. C'est-à-dire que le lecteur devient le produit d'une certaine manière. On vend les lecteurs aux publicitaires. Et donc, pour les journaux, ça change effectivement la donne. Alors qu'on s'adressait à une élite restreinte, on va maintenant vouloir parler à un lectorat aussi large et diversifié que possible. C'est ce que veulent les publicitaires. Donc, il faut transformer la lecture du journal en une habitude quotidienne pour une clientèle diversifiée et fidélisée. Les propriétaires, dans le fond, des journaux se mettent à penser eux-mêmes comme des publicitaires. Il faut que le journal soit connu, il faut qu'il soit vu dans l'espace. Donc, on placarde les murs de publicité, on construit des bâtiments de plus en plus fastes. On veut que le journal soit vu dans l'espace et soit identifié comme un véhicule important. Et ça place les journalistes de plus en plus dans une position délicate. Ils sont déchirés entre une volonté d'informer, mais aussi celle de divertir, d'attirer le lecteur et de le faire revenir encore et encore, tous les jours là, pour acheter sa copie. Parce que c'est ça, le nouveau nerf de la guerre, c'est le tirage. Il faut de plus en plus et de plus en plus et constamment de plus en plus de lecteurs et de nouveaux lecteurs. Parlons de ces deux titans qui vont s'affronter dans cette guerre de ces journaux nouveau style. Ça se passe à New York à la fin du 19e siècle. Deux journaux, deux hommes derrière ces journaux, Joseph Pulitzer et William Randolph Hearst. Commençons par Pulitzer. Parlez-nous un peu de son parcours. Qui est-il? Comment vient-il au journalisme, Pulitzer? Oui, je pense qu'on connaît tous le nom Pulitzer, du nom du prestigieux prix qui a été créé en 1917 à sa mémoire. Pulitzer donc, est le premier un peu de nos deux concurrents dont on va parler. C'est un immigrant juif, il est d'origine autrichienne. Il arrive aux États-Unis en pleine guerre civile en 1864. Il va s'établir après la guerre à Saint-Louis et va devenir donc journaliste là-bas. C'est un brillant journaliste, il faut le dire. Avant d'être un propriétaire de journal, c'est un excellent journaliste, quelqu'un là, qui produit beaucoup d'articles de qualité. Et il parvient à acheter donc, le St. Louis Post and Dispatch en 1878. Et c'est là qu'il va développer, si on veut, sa principale innovation comme journaliste et propriétaire de journal. L'idée d'une croisade, d'une enquête qui est menée contre un grand problème social urbain, la pauvreté, le crime, la corruption, etc. Mm-hmm. Et qui va s'assurer que cette enquête-là elle soit toujours en première page, soit reprise jour après jour. Donc, on fabrique la nouvelle de plus en plus et on la fabrique autour comme ça, donc de grandes causes qui vont scandaliser les lecteurs et les amener en quelque sorte à se mobiliser. Donc, on est ainsi capable de vendre la copie, mais également dans l'esprit de Pulitzer, de contribuer au bien commun. Et c'est en s'appuyant en quelque sorte sur ce succès-là à Saint-Louis que Pulitzer va passer dans les ligues majeures et en 1883, il achète donc le New York World. Et ça va être un énorme succès, le New York World. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce si grand succès du New York World? Bien, c'est là qu'il faut être prudent avec la caractérisation de Pulitzer comme le journaliste de qualité, puis Hearst comme le méchant journaliste jaune. La réalité est plus nuancée. D'une part, c'est effectivement un succès majeur. Et lorsqu'il achète le journal en 83, le World tire à peu près 15 000 exemplaires. 1886, donc 3 ans plus tard, il est déjà rendu à 250 000 de copies par jour. Donc, c'est vraiment une explosion du tirage. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce succès-là et qui nous amènent à voir justement Pulitzer à la fois comme un bon journaliste, oui, mais un bon entrepreneur, puis quelqu'un qui n'hésite pas à, disons, verser lui aussi dans le sensationnalisme. Donc, il va adopter une ligne politique plutôt sympathique aux démocrates qui dominent la scène politique new-yorkaise. Il va également ouvrir toutes grandes les pages du World, donc aux publicitaires là, de tout genre. Oui. Il va descendre également le prix du journal, donc à 2 sous, là, ce qui va être vu par ses concurrents comme une manœuvre terrible, puisqu'il vend à toute fin pratique à perte son journal. Là. C'était plus à 4 ou 6 sous qu'on vendait le journal à l'époque, mais surtout, Pulitzer fait bon usage donc, du sensationnalisme dans toutes ses formes pour rendre le World attrayant. Donc, ça passe évidemment par des titres qu'on qualifierait de punchés ou parfois un peu de malhonnêtes, un intérêt pour le fait divers, pour les scandales, qui n'est pas nécessairement nouveau à l'époque, mais que Pulitzer là, utilise sans relâche, et l'autopromotion du World par des concours, par toutes sortes de manœuvres. Et notamment, Pulitzer est vraiment l'inventeur de la première page comme outil publicitaire. C'est le premier à utiliser des polices de plus en plus grandes, de plus en plus grasses pour mettre en relief ses grands titres. Oui. Utiliser beaucoup d'illustrations également pour attirer l'œil du lecteur. Et il va également, et c'est une autre manœuvre importante, Pulitzer réalise que New York est une ville d'immigrants, lui-même en est un, et il va inviter ses journalistes à utiliser un anglais simple, direct, avec un vocabulaire qui n'est pas trop chargé, donc pour s'assurer qu'un immigrant qui maîtrise peu ou pas l'anglais va à toute fin pratique apprendre la langue de Shakespeare en lisant le New York World. Et encore une fois, ça va marcher, ça va être un succès d'enfer, ce qui fait que ce succès-là de Pulitzer va inspirer celui qui va bientôt devenir son grand rival, William Randolph Hearst, on y revient. Un mot sur le bonhomme, comment décrire le parcours, la personnalité aussi de Hearst? Oui, bien c'est ça. Si Pulitzer essaie de concilier ses préoccupations sociales avec le souci de vendre de la copie, hein, Hearst est vraiment, lui, obsédé par cette question de la copie, beaucoup moins intéressé par le bien commun. C'est un personnage, d'ailleurs, qu'on connaît directement puisqu'il est l'inspiration du personnage de Charles Foster Kane dans Citizen Kane d'Orson Welles. Donc, c'est le fils de George Hearst, qui est un riche et puissant propriétaire là, de minier. Il se voit confier, dans le fond, par son père en 87, les d'un journal de San Francisco, l'Examiner. Et ce qui est intéressant, c'est que Hearst a découvert le World de Pulitzer durant ses études à Harvard et il a été vraiment impressionné par ce modèle-là et va tout simplement l'appliquer au Examiner sans relâche et va le transformer justement en un journal à grand tirage. Et il va beaucoup plus loin que Pulitzer. Il a assez peu de scrupules, donc c'est vraiment le sensationnalisme, les faits divers les plus sordides. Et il va vraiment donc transformer ce petit journal de San Francisco en une petite mine d'or, et il va donc se tourner lui aussi vers la côte Est et acheter le New York Journal en 1895, d'ailleurs d'un entrepreneur de Cincinnati qui l'avait lui-même acheté du frère de Pulitzer. Ouais. Et c'est vraiment à ce moment-là que commence là, l'affrontement entre les deux journaux et leurs propriétaires. Ouais. Guerre féroce donc qui commence en 1895 entre le New York World de Pulitzer et le New York Journal de Hearst. Pour avoir une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler concrètement cette guerre-là, on écoute un extrait du documentaire Joseph Pulitzer, Voice of the People, tiré de la série American Masters, diffusée à la chaîne américaine PBS. Hearst immediately goes after the major illustrators, the major editors. Hearst part à la conquête des meilleurs illustrateurs, des meilleurs éditeurs, rédacteurs et chroniqueurs au service de Pulitzer et les convainc de travailler pour lui. And he steals them all away. And now the yellow kid was in Hearst's paper. Et puis, le gamin jaune se retrouve dans le journal de Hearst, ce qui fait que les deux journaux se trouvent alors associés à cette bande dessinée, qui est à l'origine de l'expression « journalisme jaune ». That's the origin of the phrase « yellow journalism ». The circulation battle becomes epic. La bataille du tirage devint épique. Ils baissent tous les deux leurs prix, travaillent sur les mêmes histoires et se traitent de noms peu flatteurs. Criticize each other by name. These two were going head to head in trying to sell to everybody. Ils essaient de vendre au plus grand nombre. Ils tentent sans cesse de dominer l'autre avec les titres les plus étonnants, les reportages les plus audacieux et les mises en scène les plus folles. Il n'y a jamais eu une journée ennuyeuse dans cette compétition entre Hearst et Pulitzer. There was never a dull day in that competition between Hearst and Pulitzer. So every act of irresponsible journalism William Randolph Hearst's journal was doing. Tous les manquements à l'éthique perpétrés par les équipes de Hearst étaient ensuite imités par le journal The World. The World would copy it and engage in it. So when the Hearst papers reported something at 2 o'clock in the afternoon. Et lorsque le journal de Hearst rapportait quelque chose à 14 heures, vous pouviez être certain que les équipes de Pulitzer reprenaient la nouvelle dans l'édition de 16 heures. Pulitzer people put it in their 4 o'clock edition. Famously, Hearst runs an item in his paper. Une anecdote célèbre raconte que Hearst avait publié un faux article au sujet d'un colonel au nom imprononçable, Reflip W. The News. The World a repris cette nouvelle mot pour mot. C'est alors que Hearst a révélé que le nom du colonel était en fait un anagramme pour « We pilfer the news » ou encore « On plagie nos concurrents ». We pilfer the news. On le voit bien, c'est extraordinaire ce qu'on vient d'entendre. On le voit bien avec cet extrait, Harold Bérubé. Tous les coups sont permis dans cette guerre entre le New York World de Joseph Pulitzer et le New York Journal de William Randolph Hearst. À quoi ça va ressembler concrètement cette guerre à finir? Ouais, ben, il faut d'abord souligner que c'est une guerre dont les enjeux sont majeurs, hein, c'est-à-dire que les journaux du début du 19e siècle, des petites entreprises modestes, hein, avec les journaux à grand tirage de la fin du 19e, hein, ont construit des fortunes colossales. Donc les enjeux sont majeurs, hein, l'argent qui est en jeu est énorme et effectivement tous les coups sont permis et notamment Hearst est capable de s'appuyer sur la fortune de son père notamment pour mener cette bataille-là là, de manière vraiment féroce. Le premier coup en quelque sorte va être que Hearst, hein, va lui même abaisser le coût de son journal à un sou. Et donc, il le vend là, complètement à perte et il force Pulitzer à faire de même. Donc, les deux commencent à produire leur journal à perte en s'appuyant sur les revenus publicitaires. Et effectivement, Hearst est d'une efficacité redoutable pour aller chercher toutes les meilleures journalistes de Pulitzer en s'appuyant sur la fortune familiale notamment, mais aussi sur le fait que Joseph Pulitzer est apparemment un assez mauvais patron. Donc, les gens ne sont pas nécessairement tristes de quitter le journal. Ce qui est intéressant au-delà de tous ces coups bas qu'on a très bien décrit dans l'extrait sonore, c'est le fait que les deux journaux vont commencer à se ressembler de plus en plus, à force de vouloir se comparer l'un l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Un discours très populiste, de plus en plus populiste, de plus en plus tourné vers les ouvriers, les immigrants et leurs problématiques, ce qui n'est pas un mal en soi, évidemment, mais aussi un contenu qui met toujours plus l'accent sur le divertissement, spécialement dans les éditions du dimanche, et un journalisme toujours plus sensationnaliste, comme on l'a vu. Et c'est ce qui amène justement les principaux concurrents donc de ces deux journaux plus conservateurs qui vont commencer effectivement à parler de journalistes jaunes en s'appuyant sur cette fameuse figure là, du Yellow Kid, qui est un personnage de bande dessinée qu'on s'arrache là, de bord et d'autre. Certains pensent aussi que c'est la mauvaise qualité du papier là, qui serait derrière tout ça. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit justement, c'est vraiment une escalade de part et d'autre et le fait que les deux journaux se ressemblent beaucoup. Donc, il n'y a pas nécessairement cette opposition entre un Pulitzer plus objectif et un Hearst plus sensationnaliste. Pour mener cette guerre-là, les deux se permettent, dans le fond, tous les coups et vont aussi loin qu'ils le peuvent. Et parfois, ça va effectivement très, très loin. Ça donne certains articles et certaines séries d'articles qui soulèvent des questions d'éthique sur le plan journalistique. On écoute à ce propos-là un extrait du balado Yellow Journalism, Sensationalism and Media Tycoons de la série Fabric of History podcast produite par le Bill of Rights Institute en avril 2021. Et tout de suite après cet extrait de ce balado, vous entendrez l'historien Daniel Turcotte à l'émission Plus on est de fous, plus on lit en juin 2016. What Pulitzer does is he almost sort of marries the elite idea of getting like political news or economic news. Pulitzer fusionne le concept de presse élitiste qui publie les nouvelles politiques et économiques à celui de presse populaire, dite presse à un sou. Seulement, William Randolph Hearst acquiert The Journal, un autre quotidien. Les deux hommes entament alors une véritable guerre de tirage. Ils essaient par tous les moyens de dominer l'autre, avec des titres et des reportages toujours plus sensationnalistes, au point où ils ne couvrent plus les nouvelles, mais les cris de toutes pièces. Reporting on news, but they're making up news. Et bien sûr, le coup le plus célèbre qui va faire vendre des journaux, c'est qu'à un moment donné, il y avait à Cuba, qui appartenait à l'Espagne, les Cubains ne voulaient plus appartenir à l'Espagne. Or, l'Espagne était une puissance colonisatrice assez... Et lui va envoyer des gens, lui, il était pour la décolonisation de Cuba. Alors, il va envoyer des gens, il va envoyer un photographe et un journaliste. Le photographe va lui écrire. En fait, c'est une légende, mais ça correspond très bien au personnage. Oui. Le photographe va lui écrire, écoutez, M. Hearst, moi, je veux bien, là, mais il n'y aura pas de guerre. Les gens sont heureux. Les gens sont heureux, ils sont bien. Et il va lui dire, écoute, tu restes là, tu fournis les images. Tu fournis les images, moi, je vais fournir la guerre. Et c'est exactement, il va servir de ses journaux pour lancer les États-Unis dans une guerre avec l'Espagne qui va aboutir à l'indépendance de Cuba. Quand même! Ah non, mais c'était un manipulateur. Et ça, c'est très bien montré dans Citizen Kane. Oui. Ah, c'était vraiment un manipulateur des médias de façon très, très importante. Donc, ça va très, très loin à ce qu'on vient d'entendre, Harold Bérubé. Cet exemple-là, celui de la guerre d'indépendance à Cuba, est-ce que c'est, d'abord, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est joué? Puis est-ce qu'il y a eu d'autres exemples semblables dans les journaux de Hearst et Pulitzer? Non, il faut dire que ça relève de la légende, là, cette fameuse idée que Hearst aurait à toute fin pratique provoqué la guerre et il aurait manipulé les autorités. Là, l'historiographie a démoli ça ces dernières années. Ce qui est indéniable, par exemple, c'est que c'est vrai que Hearst va investir des ressources monumentales dans la couverture de la guerre, utiliser toutes sortes de demi-mensonges, de demi-vérités, de manipulations pour exciter l'opinion publique face au conflit. Et il va s'assurer que la guerre demeure en première page. Et cette couverture de la guerre donc force Pulitzer à faire de même. Et ce qui est indéniable, c'est que les deux journaux vont investir des ressources tellement monumentales dans la couverture de cette guerre-là que ça va complètement les épuiser et amener en quelque sorte une fin ou une trêve, en tout cas, à cet affrontement entre les deux journaux. Parce que cette guerre-là, au fond, elle aura été virulente, mais d'assez courte durée parce que financièrement, c'est pas soutenable. Donc, la fin des hostilités, c'est quelques années plus tard, quoi. Oui, exactement. Ben, vraiment, après la guerre américano-espagnole, les choses se calment un peu et les trajectoires de Hearst et de Pulitzer vont en quelque sorte se détacher. La rivalité va devenir un peu moins intense. Du côté de Hearst, hein, il va se tourner vers l'arène politique. Il a des ambitions. D'ailleurs, de manière assez ironique, peut-être, il pense à la présidence lorsque, en 1901, deux de ses chroniqueurs suggèrent qu'il faudrait peut-être assassiner le président américain William McKinley et un anarchiste va s'exécuter. Et on va beaucoup reprocher à Hearst et à ses journaux d'avoir contribué indirectement au crime. Et ça va beaucoup miner son autorité morale, si on veut. Et la crise économique des années 30 va venir donner là, un coup de mort jusqu'à un certain point à son empire médiatique. Et il va mourir en 51, à l'âge de 88 ans. Pour sa part, Pulitzer, lui, il va renoncer justement au journalisme jaune et peu à peu réorienter le World là, du côté d'un journalisme social plus progressiste et objectif. Et c'est ce qui va l'amener. Bon, il quitte ses fonctions en 1907. Il meurt quelques années plus tard, mais c'est dans son testament donc on prévoit qu'en 1917, on crée ce fameux prix qui récompense donc un journalisme de qualité. D'ailleurs, mentionnons pour la petite histoire, et je trouve ça magnifique, le fils de Hearst, William Randolph Jr., va devenir journaliste et va se mériter éventuellement un prix Pulitzer. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, c'est toujours un immense bonheur de vous recevoir. Merci, Harold. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.